Antoine Jiménez, souvenir de la guerre d'Espagne, du 19 juillet 1936 au 9 février 1939, feuilleton radiophonique en 20 épisodes. Deuxième épisode, vers le front d'Aragon. Nous sommes toujours le 19 juillet 1936 à Lérida, où le coup d'état fasciste a échoué. À Barcelone, Luis Companys, le président de la Généralité de Catalogne, institution restée en place malgré la tourmente, propose habilement aux anarchistes de partager le pouvoir, qui n'a plus, avec le camp républicain, au sein d'un comité central des milices antifascistes. Le 21 juillet, dans un climat d'urgence où la base n'est pas consultée, les hautes instances de la Confédération nationale du travail et de la Fédération anarchiste ibérique, la FAI, acceptent de collaborer avec les partis bourgeois, à condition que ce comité central ait tous les pouvoirs et que la libération de l'Aragon et du reste de l'Espagne soit sa priorité. Reconduit à une sorte de front populaire antifasciste, même dans l'idée de gagner du temps et de ne pas trop effaroucher les démocraties européennes, est une tactique risquée. Elle conduit de fait, qu'on le veuille ou non, à camoufler la révolution sociale en cours. Comme l'écrira plus tard Abel Paz, un jeune libertaire de l'époque, les anarchistes mettaient le doigt dans un engrenage dangereux. Il existe de fait en Catalogne trois pouvoirs. La généralité, symbole de l'État régional, sans soutien populaire. Le comité central des milices antifascistes, contrôlé de fait par les anarchistes. Les comités révolutionnaires de quartier, d'usines et de villages, spontanément mis en place par la population et contrôlant leur propre comité de défense. Nous verrons dans quelles conditions ces derniers appliqueront les conceptions du communisme libertaire exprimées lors du 4e congrès sénétiste de Saragosse en mai 1936. C'est dans l'enthousiasme général que le comité central des milices décide de former des colonnes de miliciens qui partiront le 24 juillet pour l'Aragon, en vue de libérer sa capitale. La première colonne est conduite par son délégué général, Buenaventura Durruti. Je me souviens d'un soir, comme si c'était hier, où j'allais remplacer Miguel, qui était de garde de nuit dans un immeuble administratif. J'étais à peine arrivé qu'il commença à pleuvoir. Un orage éclata, un vrai déluge avec éclairs et tonnerre, et un vent a arraché les cornes d'un bœuf andalou. Mon ami, pressé de retrouver sa Teresita, après un salut amigos, buenas noches, s'élança dans la rue et disparut. Je m'apprêtais à fermer le portail lorsqu'une femme vint s'abriter sur le seuil. Habillée d'une vieille robe noire trempée, la tête couverte d'un fichu, je la pris pour une grand-mère et la priai de rentrer dans la loge du concierge. Là, une cheminée permettait de faire du feu. Une fois la porte fermée, je m'en fus quérir du bois à la cave. Je connaissais l'endroit pour l'avoir visité avec Miguel à l'occasion d'une autre soirée de garde. En remontant, chargé de bûches, je faillis tomber à la renverse. La grand-mère avait disparu. Une femme d'une trentaine d'années l'avait remplacée. Ses cheveux étaient coupés très courts. Elle priait à genoux, les mains jointes, et son fichu, posé sur le dossier d'une chaise, laissait tomber goutte à goutte l'eau qui l'imprégnait. J'avoue que ma première pensée fut de la mettre dehors, mais le tonnerre grondait. La pluie continuait de s'abattre avec violence. Je n'en eus pas le courage. Sans lui dire un mot, j'allumai le feu, et je m'assis sur le sommier que l'on avait placé là, pour permettre à l'homme de garde de se reposer la nuit, car une fois la porte d'entrée fermée de l'intérieur, il était impossible de l'ouvrir du dehors. Elle priait toujours. Je la regardais sans savoir quoi faire, lorsque je m'aperçus qu'elle tremblait, et que l'eau qui imbibait ses vêtements formait un petit lac autour d'elle. J'allais voir si je lui trouvais quelque chose de sec, à se mettre sur le dos. L'appartement du concierge était situé à l'entresol. Je m'y rendis en courant, et dans la penderie, j'eus la chance de trouver une jupe et un corsage, pas encore trop déchirés, ainsi que deux ou trois serviettes. C'était là le seul linge à peu près mettable. Arrivé en bas de la rampe d'escalier, je vis la porte ouverte. Merde, m'exclamai-je en français, elle est partie. Non, elle n'était pas partie. La violence de l'orage l'avait arrêtée sur le seuil. Une rafale de vent et d'eau la repoussa en arrière. Je la pris par les épaules en lui disant « Allons rentrer. Vous voyez bien que vous ne pouvez pas sortir. Je vous ai trouvé de quoi vous changer. » Je refermai la porte. Une fois dans la loge, je jetai les effets que j'avais trouvés sur le sommier et je sortis à nouveau, après lui avoir dit de se changer. Dans le vestibule, je sortis mon pistolet, je dégageai la balle qui était dans le canon et je bloquai le cran d'arrêt. J'avais une idée pour la mettre en confiance et la rassurer sur mes intentions. Une dizaine de minutes s'écoulèrent avant que je ne frappe à la porte. Pas de réponse. Je rentrai. Elle était encore debout, à la même place, les bras croisés sur la poitrine, tremblant comme une feuille. Pour le coup, je me fâchais. D'un bond, je fus sur elle. Je lui dégrafai le haut de sa défroque. Je la fis glisser sur ses pieds, en même temps qu'une espèce de silice qu'elle portait à même la peau. J'empoignai une serviette et je commençai à la frictionner avec rage. Lorsque j'eus fini, elle était complètement nue. Son corps était rouge. Depuis la racine des cheveux jusqu'aux doigts de pied. Allez, habillez-vous, qu'est-ce que vous attendez? Que je vous viole? Lui criai-je, et en me penchant pour ramasser ses vêtements mouillés, j'ajoutai plus doucement « Je n'aime pas la violence en amour. » Miguel m'avait laissé sa musette. Sa mère, sachant que j'allais souvent tenir compagnie à son fils, la préparait toujours pour deux. Je la vidai de son contenu et mis sur la table une bouteille de vin, un flacon de café, du jambon. La mère avait bien fait les choses, et il y avait assez de vivres pour de bons appétits. Elle s'habilla pendant que je mettais la table. Un verre, un gobelet en tôle galvanisée. Le papier qui enveloppait la charcuterie servit de nappe et d'assiette. La jupe et le corsage que je lui avais apporté étaient trop grands pour elle, mais lui allait mieux que sa défroque noire. En mangeant, je lui dis que j'avais été élevé en France, et que la femme n'avait pas été créée pour se dessécher dans un couvent, mais pour vivre, aimer, jouir. Elle écoutait en silence, les yeux baissés. Ce que je lui disais ne lui coupait pas l'appétit, car elle avalait comme si elle avait fait carême depuis un mois. Quand je lui ai assez parlé de moi, je lui demandais son nom. Incarnation. Voyant qu'elle répondait, je lui posais d'autres questions. J'appris ainsi qu'originaire de Manresa et voulant rejoindre sa famille, elle allait à la gare lorsque l'orage l'avait surprise. À la fin du repas, je passais derrière elle pour prendre le café que j'avais mis à chauffer sur les braises. Et après avoir posé la petite marmite sur la table, je me penchai pour embrasser son oreille. Pendant que mes mains, glissant sous ses bras, frôlait les globes de sa poitrine. Un frisson la secoua. Je crus que c'était la peur qui la faisait trembler. Elle avait déjà mon poignard que je lui avais prêté pour couper son pain. Je sortis mon 9 mm et je le déposai doucement sur ses genoux, en lui disant « Incarnación, vous êtes jolie, trop jolie pour qu'un homme ne vous désire pas. Laissez-moi vous caresser, vous aimer. Je suis désarmé, n'ayez plus peur de moi. » De nouveau, je la caressais. J'avais écarté son corsage et je sentais dans mes paumes la chaleur et la fermeté des seins pendant que ma langue butinait le lobe de son oreille. Je m'attendais à ce qu'elle se révolte, proteste de la voix ou du geste. Rien. Elle paraissait de marbre. Puis lentement, je sentis se dresser ses tétons et ses seins durcir sous mes caresses. Sa tête s'appuya sur ma poitrine. Lorsque je me réveillais, elle dormait, sa tête au creux de mon épaule. Le bruit d'une fusillade parvint jusqu'à moi. Je m'habillai à la hâte, je raflai sur la table mes armes et je courus vers la porte, en faisant jouer la culasse de mon pistolet pour introduire une balle dans le canon. Les coups de feu s'approchaient toujours plus. Les détonations éclatèrent très près, puis ce fut le silence. J'ouvris la porte. Deux hommes gisaient sur la chaussée. D'autres arrivaient en courant. Que s'est-il passé? Ce sont des phalangistes. Ils ont jeté une bombe au syndicat, mais elle n'a pas éclaté. Qu'est-ce que tu fais par ici ? Je suis de garde, salut. Après avoir échangé quelques mots avec les copains, je rentrais en vitesse. Je craignais qu'Incarnación, réveillée par la fusillade, ne sorte dans la rue. Le tableau n'avait en effet rien de ragoûtant, d'autant plus qu'un des deux hommes abattus n'était pas encore mort. Elle regardait justement ce qui se passait par le vide existant entre le dormant et la porte. Je remis en place le verrou et la chaîne, et je la pris dans mes bras pour la déposer sur le sommier. Ils sont morts ? Oui. Toi aussi tu aurais pu être tué ? Ça pourrait m'arriver un jour ou l'autre. C'est la révolution. Elle passa ses bras autour de mon cou, ma bouche prit ses lèvres, tout s'effaça. La peur, les dangers, et la mort qui nous guettait peut-être au tournant de la rue. Plus tard, je l'ai accompagnée à la gare, et j'ai regardé le train s'éloigner. Quelques jours après, au crépuscule, je me promenais en compagnie de Miguel, Teresa et Juanita. Mon ami était au courant de mon aventure avec Incarnación. Le compañero qui m'avait remplacé ce matin-là lui avait dit que j'avais passé la nuit avec une femme, qui n'était certainement pas une camarade avant qu'elle ne me rencontre. Mais il pensait que je l'avais endoctrinée, rien qu'à voir la façon dont elle s'accrochait à mon bras. Miguel racontait ce qu'il savait à sa sœur et à Teresa, tout en se moquant de moi et de ma discrétion. Les filles riaient comme des folles et ajoutaient leur quolibet à ceux de Miguel. Soudain, des cris s'élevèrent dans la rue. La colonne d'Urruti, la colonne d'Urruti. En effet, la colonne d'Urruti, partie de Barcelone, arrivait à Lérida pour aller délivrer Saragosse. Vive la faille, vive les cris « Vive la faille, vive la CNT » alternaient avec les couplets des chants anarchistes. Ou l'hymne des jeunesses libertaires. Que les camions chargés d'hommes et de femmes, qui mêlaient leurs cris et leurs chants à ceux de la foule, roulaient au pas. Le poing levé, nous avions regardé les camions défiler et disparaître dans la nuit qui venait de tomber. C'est alors que je pris la décision de partir le lendemain matin, avec Durruti et mes compagnons, pour Saragosse. Je le dis à un de mes amis, et ce fut un tollé général de protestation. Je n'avais pas le droit de les quitter comme ça. Je pouvais attendre 2 ou 3 jours. Miguel m'assura que lui aussi partirait avec moi, mais il lui fallait au moins 48 heures pour régler ses affaires de famille. Teresa pleurait, car elle croyait que si je m'en allais, Miguel viendrait certainement avec moi. Elle aurait donné toutes les révolutions de l'histoire, passées et à venir, pourvu que Miguel lui restât. Elle l'aimait déjà d'un amour exclusif et absolu. Bien que le jeune homme, tout pris par son idéal de droiture et de justice, n'ai jamais essayé de profiter des sentiments de la fille. Mon ami aimait aussi la petite nonne, et il se comportait avec elle comme un frère aîné, affectueux et attentif à ses moindres désirs. Quand nous étions seuls, il me parlait de son amour, de ses rêves qu'il jugeait irréalisables à cause de la révolution. En effet, si la révolution triomphait, cela ne serait pas sans beaucoup de deuil, de privation, de souffrance. Et il se refusait, malgré mes conseils, à faire de la petite sa compagne. Juanita, après les premiers instants de surprise, s'était tue. Elle ne disait rien, mais ce fut elle qui nous mit tous d'accord en nous faisant remarquer qu'il se faisait tard. Il fallait que je me repose si je voulais partir au petit matin, et avant nous devions souper. On n'avait pas averti la mère de mon prochain départ. Ce fut Juanita qui, une fois le café servi, prit la parole pour nous annoncer sa décision. Partir avec son frère et moi. Aucun de nos arguments ne la fit fléchir et on arrêta la discussion. C'est alors que Teresa me demanda si je pouvais lui rendre un dernier service avant de m'en aller. Sur ma réponse affirmative, elle me demanda d'aller lui chercher un laissez-passer pour la France. Et elle ajouta : Vous ne pensez qu'à vous battre et à mourir pour vos idées. Moi, je vais rentrer au couvent et de là-bas, je prierai pour vous tous. Pardonnez-moi. Et elle s'enfuit en courant pour cacher son chagrin dans sa chambre. Le syndicat était ouvert jour et nuit, et je partis immédiatement, espérant que le responsable du service ne soit pas trop tatillon. Juanita me rejoignit dans la rue et s'accrocha à mon bras. Tony, sais-tu que la Niña aime mon frère ? Eh bien. Il ne faut pas qu'elle aille en France. Miguel est amoureux d'elle. Si elle rentre au couvent, ils seront malheureux toute leur vie. Quand la petite m'avait parlé de se rendre en France, il m'était venu une idée. Accompagner Thérèse à la frontière, la persuader d'aller chez des amis de confiance qui habitaient les environs de Perpignan, et là attendre que son chéri vienne la chercher. J'expliquais tout cela à Juanita, tout en omettant de lui dire que je comptais retrouver le front sans passer par les rides. Ainsi Miguel m'attendrait-il en vain et peut-être ne partirait-il pas. Juanita obtint sans difficulté un laissez-passer pour Teresa. Elle était une vieille militante, et depuis près de 8 ans, elle participait à toutes les réunions, toutes les actions, où une femme intelligente et active pouvait se rendre. Au retour, elle me demanda si elle pouvait me poser une question indiscrète. « Vas-y toujours, lui répondis-je, on verra bien. »« Tu aimes Teresa ?»« Oui, je l'aime comme si c'était ma petite sœur. »« Et moi, est-ce que tu m'aimes ?» Toi, si tu n'étais pas la sœur de Miguel, ça ferait longtemps que tu serais ma maîtresse. Tu crois que j'aurais accepté? T'en meurs d'envie. Presumido, une femme te regarde et tu crois qu'elle veut coucher avec toi. Vous êtes tous pareils. Et elle se mit à courir en riant. Miguel nous attendait devant la porte. Maria, la mère, et Teresa étaient dans la chambre qu'elle partageait avec Juanita. Je ne pouvais pas m'endormir. Et je réfléchissais aux arguments qui me serviraient à persuader la petite de renoncer au couvent et d'aller chez mes amis. Mes amis étaient un couple de pacifistes convaincus, sans enfants malgré la 20aine d'années de vie commune. Je commençais à m'assoupir lorsque la porte de ma chambre s'ouvrit. Juanita rentra, nue, un doigt sur les lèvres, un bougeoir dans la main. Je me dressai sur le lit. « Tu es folle, que veux-tu ?» Elle posa la lampe sur la table et se coucha sur moi, en rejetant le drap qui me couvrait et en murmurant « Cállate. Te quiero. Soy tuya. » Elle me chevaucha. Son corps était chaud et sentait la lavande. Le soleil était déjà haut lorsque nous quittâmes notre chambre. Maria avait préparé 4 bols et des tranches de pain pour le petit déjeuner. Elle nous regarda en disant « Habéis dormido bien ?» Puis vient m'embrasser sur les joues en ajoutant « Ahora tengo un hijo más. » L'embrassant à mon tour, je lui demandais « Miguel y Teresa, où sont-ils ?»« Nous voilà !» Miguel et la Niña, comme il l'appelait, rentraient dans la cuisine en se tenant tendrement par la taille. Lui était torse nu et elle en robe de chambre. J'éclatais de rire. « Enfin, tu t'es décidé. Eh bien, t'en as mis du temps. Félicitations !» Je m'adressais à Miguel, mais ce fut la petite qui répondit, avec un accent de reproche que démentait son regard. « C'est votre faute, oui, à Juanita d'abord, et à toi. Vous n'êtes pas discret. On entend tout de la chambre, même les soupirs. Pour ne pas vous entendre... »« Tu es allé bavarder avec mon frère. Tu as bien fait, querida, parce qu'il est si fada qu'il t'aurait laissé rentrer en France plutôt que de te demander d'être sa compagne. » Celui-ci, il est encore plus que Miguel. C'est de moi qu'il s'agissait. Il serait parti sans même m'embrasser. Maintenant, je ne le quitterai plus. Pauvre Juanita. Elle ne savait pas qu'il ne lui restait plus que quelques jours à vivre. Pourquoi ne l'ai-je pas laissé me suivre ? Pourquoi, pendant les 3 ou 4 derniers jours que nous avons passés ensemble, l'ai-je persuadé de rester à la maison avec Miguel, que Teresa retenait ? Et sa mère. « la CNT recrutait des volontaires pour former une centurie qui devait s'intégrer à la colonne d'Urruti. Juanita m'accompagna au point de départ du convoi, et après un dernier baiser, je grimpai sur le camion, et nous partîmes. Je ne devais plus la revoir. Elle tomba sous les balles des avions franquistes, pendant qu'elle ramassait, avec d'autres camarades, des gerbes de blé qui traînaient encore dans les champs. Colonne d'Urruti traverse plusieurs villages aragonais, déjà libérés par les militants locaux. Le 27 juillet, elle installe son quartier général à Bujaralos. Elle est forte de 6000 hommes pour 3000 fusils seulement et reste dépourvue d'armement lourd. 9 autres colonnes anarchistes, marxistes et catalanistes la rejoindront le jour suivant et elles établiront une ligne de front nord-sud de 80 km environ. Mais l'attaque sur Saragosse prend du retard. Urruti et d'autres miliciens y tiennent beaucoup, pour des raisons stratégiques, car la prendre, c'est briser l'encerclement de ceux qui résistent au Pays Basque, en Biscaye et dans les Asturies, et aussi parce qu'il faut profiter de la victoire catalane sur les militaires insurgés avant qu'ils ne concentrent toutes leurs forces autour de la capitale de l'Aragon. Mais Urruti est surtout très affligé de voir que dans le plus fort bastion anarchiste de l'Espagne après Barcelone, le coup d'État a réussi grâce à la traîtrise du gouverneur civil de la place, et au manque de méfiance des militants locaux, pourtant très aguerris. Ses camarades sont coincés là-bas, sous-armés, et se font systématiquement liquider par l'armée. Les conditions de la perte de Saragosse et l'enlisement du front en Aragon seront d'une certaine manière symptomatiques de la façon dont une partie des militants anarchistes vont résister à l'agression des classes possédantes. Nous y reviendrons. Je n'avais pas dormi de la nuit, indifférent aux cris et aux chants de mes compagnons de voyage. Je m'endormis pour ne me réveiller qu'à Alcaraz, où la population nous approvisionna en botas pleines de vin. J'en profitai pour saluer des jeunes que je connaissais. Lorsque les camions s'ébranlèrent, je recommençai à dormir. Pour rester quelques minutes de plus avec Juanita, j'avais pris la dernière unité du convoi. Les autres occupants du camion étaient tous des paysans des environs de Lérida. J'en connaissais quelques-uns de vue, mais la majorité m'était inconnue. Un brutal coup de frein me réveilla. Nous étions arrivés près de Fraga, une grosse bourgade, nichée sur les bords du Rio Cinca. Des ordres fusèrent. Tout le monde descend. Nous nous déployâmes en tirailleurs, pointant nos armes vers le village que nous dominions de très haut. Mal réveillé, je suivais le mouvement. En position de tireur, à genoux, serrant la crosse de mon 9 mm. Je vis deux motards dévaler la pente vers le Pueblo et le pont qui enjambait la rivière. Je pensais qu'à cette distance, même avec un tir plongeant, mon arme était complètement inoffensive. Voilà, ils sont arrivés, ils traversent le pont, ils disparaissent. Ils reviennent, ils font des grands signes avec les bras. Tout le monde se rua vers les camions. Fraga, village aux confins de la Catalogne et de l'Aragon, célèbre partout en Espagne pour la qualité de ses figues, nous accueillit avec enthousiasme. La colonne était passée par là quelques jours auparavant, mais il restait encore des figues sèches. Chaque camion reçut sa part, avec un complément de butifarra chorizo et autres charcuteries. La nourriture était assurée. Après une brève halte, nous repartîmes. Je regardais mes compagnons de voyage, une douzaine d'hommes, entre 35 et 50 ans. Les autres étaient des jeunes, dont j'étais probablement le plus vieux. L'armement était composé de fusils de chasse et de pistolets de divers calibres. Un seul d'entre nous possédait un mousqueton, qu'il tournait et retournait dans tous les sens. Craignant qu'il ne blessât quelqu'un, je lui conseillai d'arrêter son manège. Ce qu'il fit tout de suite, en me donnant son arme et en disant « Est-ce que tu sais te servir de ça? Ben oui, et toi? Eh non, je l'ai pris à mon oncle juste avant de partir. Maintenant, il doit le chercher partout. Veux-tu me faire voir comment marche cet engin? Oui, regarde, c'est simple. Je fis jouer la culasse. Le magasin était plein, mais il n'y avait pas de cartouche dans le canon. Après avoir sorti le chargeur, je lui appris le maniement du fusil. Les autres me regardaient en écoutant les conseils que je donnais au garçon. Quand j'eus terminé, un de ceux qui était le plus près de moi me dit « Eh, compañero, tu es d'Extremadura, verdad ?» Souvent, dans mes randonnées à travers l'Espagne, on m'avait pris pour un Espagnol, en Extremadura pour un Catalan, et en Andalousie pour un Navarrais ou un Basque. Si j'avouais que j'étais étranger, alors on certifiait que j'étais français. Une fois, à Madrid, je me suis présenté à un poste de la Guardia Civil pour déclarer que j'avais perdu mes papiers. Colom me les avait volés, car je ne trouvais plus mon portefeuille. Une demi-heure plus tard, j'étais devenu Pablo Esquera, né à Pueblo Nuevo, domicilié Calle Princesa, Barcelone. Ces papiers ont permis à un ami recherché par la police de continuer à vivre en Espagne jusqu'au pronunciamiento. Non, je ne suis pas espagnol. Français? Non plus. Italien. Anda, los italianos son todos fascistas. Va, les Italiens sont tous des fascistes. Comment t'appelles-tu? Jiménez. Antoine. Et toi? Jiménez. Tu es espagnol, tu nous fais marcher. Je sortis mon passeport et la carte de la CNT. Tu sais lire? Regarde. Sur 25 hommes, nous n'étions que deux à savoir lire. Moi et le jeune mousqueton. Lequel, après avoir jeté un coup d'œil à la carte du syndicat, se mit à rire et me tendit la main en disant « Tu as raison. Tous ceux qui se battent à mes côtés sont mes frères, d'où qu'ils viennent. Tu t'appelles Antonio, moi je m'appelle Pedro. » Après la sienne, toutes les mains se tendirent vers moi. Arrivé à Bujar Aralos, le responsable de la centurie nous dit de nous choisir des chefs de groupe. Il en fallait un pour 25 hommes. Et les élus devaient se présenter au PC de la colonne, à 20h. Les groupes furent vite constitués. Les hommes s'assemblèrent naturellement, selon leurs liens d'amitié, de voisinage ou de parenté. Le plus âgé du groupe fut nommé responsable. Le lendemain, on quitta Bujar Aralos pour marcher vers Pina de Ebro. Il nous semble intéressant de présenter davantage Buenaventura Durruti. Il avait 40 ans en 1936. Cet homme aurait pu mourir 100 fois tant la vie d'ouvrier et de guerriero anarchiste qui l'a mené était intense. À une époque où les travailleurs vivaient dans des conditions extrêmes de misère et de terreur capitaliste, le parcours de Durruti, comme celui de Francisco Ascaso, de Gregorio Jover ou d'Antonio Ortiz, pour ne citer que ceux-là, est particulièrement emblématique de l'énergie et de l'esprit de solidarité insufflé par les idées anarchistes. À travers leur activisme, on peut suivre beaucoup des moments clés de la guerre sociale en Espagne. Fils d'ouvrier, comme beaucoup de militants de l'époque, Durruti est entré très jeune dans l'activité révolutionnaire en voyant son père emprisonné pour fait de grève. Travaillant dans la métallurgie, il s'opposera aux dirigeants syndicaux de l'UGT, Union Générale des Travailleurs d'Obédience Socialiste, qu'il juge trop modéré. Il participera aux actions de sabotage. Commence alors le cycle de l'action directe, de l'organisation de grèves insurrectionnelles et de la répression qui l'oblige maintes fois à quitter les lieux où il vit et travaille pour se réfugier ailleurs en Espagne et le plus souvent à l'étranger. En 1919, il adhère à la Confédération nationale du travail qui subit une telle répression qu'elle agit le plus souvent dans la clandestinité depuis sa création en 1910. Dans les années 1920, la bourgeoisie organise une véritable campagne de terreur. Durruti participe à la constitution du groupe des Justicieros qui rend coup pour coup aux pistoleros, tueurs d'ouvriers à la solde du patronat, mais aussi à un attentat avorté contre le roi à des braquages de banques pour armer les ouvriers, à la coordination du mouvement anarchiste. Avec Francisco Ascaso, García Oliver et des militants catalans, est fondé à Barcelone le groupe Los Solidarios, qui sera avec d'autres à l'origine de la Fédération anarchiste ibérique, créée plus tard en 1927. Attentats, arrestations, exils se succèdent en France et en Amérique latine, où Durruti continue l'action directe de 1924 à 1926. Cette errance politique lui permet de rencontrer l'Ukrainien Makhno et beaucoup de libertaires de tous les pays. Il rentre en Espagne à l'avènement de la République en 1931 pour participer aux réunions, meetings et grèves presque quotidiennes. C'est l'époque où la CNT compte 1 200 000 adhérents et où l'on prépare l'insurrection. En juillet 1936, Durruti, comme d'autres compagnons de lutte, acceptera du bout des lèvres la ligne du pragmatisme antifasciste adoptée par la CNT à Barcelone. Il exprimera quelquefois ses désaccords avec cette dernière, mais en privé seulement ou dans des réunions internes.